Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, passeport pour l'aventure. De Beyrouth à Pékin, en compagnie de drôles d'explorateurs français qui ont tenté le pari fou de relier ces deux villes en voiture. Fou, oui, car c'était en 1931, il y a presque un siècle. À l'époque, si l'automobile, on l'appelait comme ça, était déjà la reine de nos villes, modifiant jusqu'à son architecture, leur architecture, elle ne s'était que rarement aventurée hors des routes goudronnées et des chemins de terre. À deux reprises toutefois, et bien avant de sortir sa fameuse deux chevaux, Citroën avait fait la une avec deux expéditions en voiture sur le continent africain. Mais celle-là, la troisième, vers la Chine, celle que nous vous racontons aujourd'hui, est sans doute la plus incroyable des croisières Citroën. Dans ces 315 jours d'efforts, à travers le Liban, la Perse, l'Iran, la Mésopotamie, l'Afghanistan, l'Empire des Indes et la Chine, vont émerveiller plusieurs générations d'enfants et d'adultes. Durant ce récit, vous entendrez les mots lus par notre comédien Philippe Pierrard, du journaliste Georges Lefebvre, qui a accompagné ces explorateurs français pour le journal L'Illustration. Ces extraits d'articles nous font vivre cette expédition aux premières loges. Vous entendrez également des ambiances et des paroles enregistrées pendant la croisière jaune, il y a donc près d'un siècle, par l'ingénieur du son William Sivens, pour le film La croisière jaune. Notre invité aujourd'hui, l'historien et journaliste Bernard Briset, spécialiste de la Chine, auteur notamment du livre intitulé « La France en Chine du XVIIe siècle à nos jours », dans lequel il revient sur la croisière jaune. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Suspendu aux câbles d'acier qui viennent de l'arracher des cales, une caisse de 7 tonnes vire avec lenteur. C'est la première et la plus lourde des 6 qui vont suivre. Tous les curieux, leur tarbouche inclinée sur la nuque, s'intéressent au jeu des poulies. Foule de visages inconnus qu'éclairent ça et là quelques sourires familiers. Voici Louis-Audouin Dubreuil, et Ferracci, le chef mécanicien, et tous les autres. Tous les camarades qu'un invisible lien rassemble déjà en terre lointaine. Leur angoisse collective est suspendue, elle aussi, à l'énorme caisse qui se balance lentement et descend peu à peu. Telles sont les premières lignes du premier reportage de Georges Lefebvre, qui pendant un an va raconter au lecteur de l'illustration l'incroyable aventure de ces hommes qui vont tenter de rejoindre Pékin en voiture. Nous sommes alors le 14 mars 1931 sur un quai du port militaire de Beyrouth, capitale du Liban. Arrivés quelques jours plus tôt, lui et ses camarades attendent avec impatience qu'on délivre enfin les 7 autochenilles. Enfin libre, il découvre ces voitures qu'on dirait tout droit sorties d'un livre de Jules Verne, avec ses chenilles souples à l'arrière, qui, selon les dires, peuvent les amener partout sur le globe. Elles ont pour nom Scarabée d'or, Croissant d'argent, Cinéma léger, Voiture TSF, Voiture médicale, Voiture popote. Quand elles arrivent sur le camp de base, situé à Bir Hassem, dans la banlieue de Beyrouth, elles retrouvent les 8 mécaniciens, dont leur chef, Ferracci. En côte de travail, tournevis en main, tous auscultent le moteur sous le capot, ses organes névralgiques, culasse amovible en fonte, bien régulée sur acier, carburateur Solex horizontal avec cloche d'air, s'il vous plaît, démarreur électrique avec lanceur Bendix. Tout a été prévu pour qu'on puisse les démonter entièrement en cas de problème. Un peu plus loin, Louis-Audouin Dubreuil, chef adjoint de l'expédition, s'assure de la bonne réception de l'ensemble du matériel. Gouffretto, le chef cuistot, s'affaire dans ses casseroles. Le peintre, Jacques Fleff, griffonne les premiers croquis, alors que ces messieurs du cinématographe, le réalisateur André Sauvage et son opérateur Morizet, tournent déjà la manivelle. Dans la tente des journalistes, à côté des machines à écrire, des stylos et des bloc-notes, Georges Lefebvre discute avec Mr. Menarowan Williams, journaliste du réputé National Geographic Society, qui couvre l'expédition pour les pays anglo-saxons. Dehors, près du mât TSF, les deux radiotélégraphistes Laplanche et Laurent Schuller règlent la machine à ondes hertziennes. En tout, ils sont 24 à s'élancer de Beyrouth vers Pékin. Parmi ces aventuriers, un homme manque pour l'instant à l'appel, leur chef, Georges-Marie Hart. C'est à lui qu'André Citroën, le patron de la marque française, a confié l'incroyable défi de montrer au monde qu'il est possible de faire rouler les automobiles hors des routes. Oui, au milieu des forêts et des déserts, dans la neige comme dans les rivières. À deux reprises, déjà en 1922 et en 1924, Hart et ses hommes ont prouvé l'ingéniosité de ces voitures françaises en traversant d'abord le Sahara, puis en reliant l'Algérie à Madagascar. Après ces deux succès scientifiques, techniques et commerciaux, l'histoire évidemment ne pouvait pas s'arrêter là. Alors, pendant de longs mois, dans les bureaux de la marque Chevron, on a réfléchi à un nouveau défi. Cette future croisière, on l'imagine d'abord blanche, avec comme horizon le pôle sud. Super, mais cher, trop cher. Alors, c'est vers l'Asie qu'on fixe le cap. Pendant des mois, Hart et ses hommes plongent dans la mémoire de la route de la soie, dans ses cartes comme dans ses livres. Ainsi commence chaque voyage, par l'imagination et ses bons signes. Dans ses recueils, dont certains sont vieux de plusieurs siècles, il questionne Alexandre le Grand comme Marco Polo, afin de trouver un chemin sur lequel pourront rouler leurs chevaux mécaniques. Le trajet décidé, Hart et ses hommes lèvent ensuite chaque obstacle technique, financier, mais aussi diplomatique qui pourrait leur barrer la route. Pour cette dernière tâche, Hart s'entoure de plusieurs émissaires qui, pendant 2 ans, rejoignent chaque contrée que la croisière doit traverser afin d'obtenir papier et sécurité. En novembre 1930, en tout cas, tous les accords sont conclus. Du moins le pense-t-on. Car à la surprise générale, les soviétiques changent d'avis et annoncent leur refus d'ouvrir à la caravane le passage du Turkestan russe. Quand la nouvelle arrive, à Paris, place de l'Opéra, dans les bureaux Asie de Citroën, tous pensent que l'expédition est foutue. Tous, sauf l'imperturbable Hart. En observant la gigantesque carte de l'Asie, le directeur des usines pointe les massifs montagneux de l'Hindou Kush et du Pamir. « Impossible !» s'exclament certains. « La passe de Vakjir s'ouvre à 5000 mètres d'altitude. Jamais aucune voiture n'est montée aussi haut. Jamais aucune voiture n'a roulé sur des routes si étroites. » Eh bien, Hart leur répond « Nous le ferons !» Et c'est ainsi qu'à quelques mois du départ, tout le trajet de l'expédition prévu est modifié. Désormais, ce n'est pas un, mais 2 convois qui vont être lancés dans cette course. Le premier groupe, dénommé Pamir, avec à sa tête Hart et Audouin Dubreuil, a pour objectif de vaincre les montagnes de l'Himalaya. La seconde équipe, le groupe Chine, dirigé par Victor Point, les attendra de l'autre côté, à Kashgar, avec des véhicules plus lourds. Ensemble, ils rejoindront ensuite Pékin. Fin mars 1931, chaque équipe est arrivée à son camp de base. Le groupe Chine est à Tianjin, une ville proche de Pékin, où il s'acharne à remonter les autochenilles envoyées en pièces détachées afin de partir au plus vite vers l'ouest. À Beyrouth, au contraire, tout est prêt. Hart est arrivé, accompagné du secrétaire général de l'expédition. Le 4 avril 1931, au petit matin, l'aventure commence. Georges Lefebvre décrit ce départ ainsi. Après un long circuit dans les sables dorés de la plage, les 7 voitures, suivies de leurs remorques, radiateurs face à l'est, se sont engagées sur la route de Damas. Les enfants battaient des mains. Les marchands, au fond de leur souk, retiraient de leur bouche le tuyau d'ambre du narguilé pour regarder passer notre étrange cohorte. Le clairon sonne au champ. Les « au revoir » jaillissent comme des bouquets à chaque tournant de la route. La première difficulté de cette épopée a pour nom le col de Dar el-Beidar. C'est une montée abrupte de 1600 mètres d'altitude. Rien de spectaculaire, certes, mais c'est un terrain idéal pour faire chauffer un peu les mécaniques. L'ascension terminée, Ferracci, le chef mécanicien, est rassuré. La popote, comme la voiture cinéma, traîne un peu des chevilles, et même des chenilles, et surtout des chenilles, mais aucune machine ne tousse. Par précaution, il demande néanmoins qu'on allège chaque véhicule, ce qui est fait. La caravane plonge ensuite dans la vallée de la Bécara et son jardin des délices. L'air embaume l'odeur des orangers et des oliviers. Le 6 avril, Damas est atteinte, en Syrie. Puis c'est le désert et sa traversée. Dans les dunes de sable infinies, chaque voiture et ses remorques parcourent environ 20 km en une heure. Le 9 avril, la caravane passe la nuit aux côtés des fantômes de la cité engloutie de Palmyre, cette cité gréco-romaine qui nous renvoie au 1er siècle de notre ère. Ici, le sable et le vent presque tout enfouis. De la lutte héroïque entre Aurélien et la reine Zénobie, il ne reste rien, rien à part les épiques récits qu'on leur raconte. Alors, au lever du jour, les cinéastes, le peintre et le photographe filment, dessinent, immortalisent pour l'histoire ces tombes et ces colonnes vieilles de plusieurs siècles. Telle est aussi l'une des missions de l'expédition, évidemment enregistrée par l'image les vestiges passés et présents des civilisations qu'elle rencontre. Le 12 avril 1931, les aventuriers arrivent au poste frontière Rutba, porte d'entrée en Irak. En route vers sa capitale, ils sont émerveillés par la puissance de l'Euphrate, ce fleuve au milieu des sables, plein d'activité humaine. Les Citroën entrent à Bagdad le 16 avril. Entre deux réceptions, dont une en présence du roi Faisal, chaque membre va à ses occupations. Le docteur Jourdan ausculte les corps, Georges Lefebvre tape son article, Gaufretour réapprovisionne ses cuisines et les radiographistes tentent par TSF de joindre le groupe Chine. Tout va bien. Avons quitté Pékin, 5 avril. Franchissons Grande Muraille de Chine par Porte Nord. Victor Point. Les deux groupes s'avancent l'un vers l'autre, apparemment sans problème. Le groupe Pamir quitte Bagdad après 3 jours d'escale, puis se dirige vers Téhéran, situé à 1000 km. En route vers la Perse, les autochenilles découvrent les premiers chemins sinueux. Dans ces collines montagneuses, hautes jusqu'à 2400 mètres, le paysage alterne entre broussailles épineuses et vallées douces où s'élèvent érables, chênes verts et amandiers sauvages. L'air est tiède, l'ombre accueillante, l'esprit libre. Téhéran est atteinte le 28 avril. 8 jours sans voiture dans cette capitale sont décidés. Alors que Ferracci et ses mécaniciens dorlotent les autochenilles, les opérateurs de cinéma, accompagnés de l'ingénieur du son William Sivens, s'aventurent dans les dédales des rues et des jardins de la ville à la recherche de coutumes exotiques. Comme ce chant accompagnant un sport persan. Tendez l'oreille, cette archive a presque un siècle. Comme dans chaque capitale, les réceptions et les rencontres se multiplient. Rois, gouverneurs, militaires, scientifiques ou journalistes, tous veulent savoir tout de ces hommes et de ces voitures en route vers Pékin. L'une de ces rencontres va marquer longtemps la mémoire des aventuriers de la croisière jaune. Un matin, le jeune prince Mohamed Reza, futur dictateur iranien à la solde des États-Unis, débarque avec ses obligés sur le camp de base. Malgré son âge, 11 ans à peine, le jeune prince se croit déjà souverain. Après les salutations, et sans demander la permission, bien sûr, il s'installe au volant d'une voiture et actionne manivelle et pédale. Pauvre de lui, il s'agit de la voiture du cuistot. Et Gaufretau n'est pas homme à se taire, même devant la plus illustre des personnalités. Alors, dès qu'il aperçoit l'enfant au volant de sa popote, sans ménagement il le gronde, puis le vire manu militari. Vexé, le prince s'en va, sans saluer ses convives. Sur le camp, ils sont nombreux à rire lorsqu'ils évoquent la scène. Oui, sauf qu'il n'est pas bon de malmener un jeune prince. Alors, pour éviter toute méprise, on organise à la hâte une nouvelle réception. Après quelques kilomètres à bord de l'une des voitures, eh bien l'incident est oublié. Le 5 mai, le groupe Amir quitte la ville, direction Mesmer, dernière étape perse du périple. Georges Lefebvre écrit. De Beyrouth, porte française de l'Asie méditerranéenne jusqu'à Machad, la ville sainte aux coupoles d'or pur, les compteurs de nos voitures ont totalisé 3100 kilomètres. Mais les distances chiffrées n'ont déjà plus de sens ici, car à mesure que nous avançons dans l'espace, il nous semble reculer dans le temps. En quelques semaines, nous sommes passés du climat méditerranéen au climat désertique, puis à une chaleur tropicale à laquelle ont succédé les vents froids du plateau iranien. Tels sont les 1000 visages de cette Asie occidentale, vestibule accueillant de l'Asie moyenne, déjà plus mystérieuse et dont nous allons demain franchir le seuil. Et les voici en Afghanistan où les vents sont mauvais. Dès le départ, Art avait été informé d'heures au nord du pays. Prévenu, il avait fait dévier une partie du trajet vers le sud, histoire d'éviter toutes mes aventures. Ainsi, la colonne passe-t-elle par Herat, poursuit vers le sud, direction Farah, puis tourne à l'est, vers Kandahar. Durant ces semaines en Afghanistan, à 7 reprises, l'expédition défie de nombreuses rivières sans pont et sans barque. Devant chacune d'entre elles, on emploie la même méthode. On envoie des premiers de cordée reconnaître la largeur du gué et déplier les roches encombrantes. Puis, soutenue par des câbles, une première voiture tente la traversée. De l'autre rive, elle soutiendra chaque traversée. À chaque tentative du dépassement d'une rivière, la fine équipe reçoit le soutien et l'aide physique autant que technique des Afghans. Georges Lefebvre, comme ses compagnons, n'oublieront jamais l'accueil dans ce pays. Nous avançons dans un pays intact, préservé par ses redoutables légendes. Dans chaque ville, un accueil et, le soir, à la fin de chaque étape, le plus beau jardin, la plus belle maison. À Moukour, à Ghazni, des réjouissances publiques font jaillir du sol comme des fleurs sauvages, de robustes danseurs aux bras alourdis de bracelets, aux paupières fardées d'antimoine. À Kaboul, enfin, l'arrivée de l'expédition Citroën Centre-Asie, applaudie par quelques Européens, est acclamée par des voix enfantines. À Kaboul, l'expédition s'autorise une excursion dans la vallée de Bamiyan, où pendant 4 siècles, dans la pierre, on forgea d'immenses Bouddhas, dont le plus grand s'élève à 53 mètres. Détruit par les talibans en 2001, il ne reste de ces Bouddhas que des images, dont celles des opérateurs de l'expédition Citroën. La croisière jaune reste 1 mois en Afghanistan. Après Kaboul, elle découvre Jalalabad, puis pénètre dans l'Empire des Indes. Peshawar, Rawalpindi, puis Srinagar, qui est atteinte le 24 juin. Ici, dans la vallée du Cachemire, les villes sont en hindoue qu'anglaise. La Tamise se nomme Jhelum, et comme à Londres, la ville s'étale le long du fleuve. Et là, enfin sous les yeux, les cimes de l'Himalaya, tant imaginées, voire fantasmées depuis des mois. La croisière vaincra-t-elle les massifs du Pamir qui forment ce monde inconnu, celui qui sépare l'Empire des Indes de la Chine? De l'autre côté, le groupe dirigé par Victor Point sera-t-il au rendez-vous? Depuis des semaines, les communications entre les deux groupes sont très mauvaises. Pire, le 25 juin, la TSF délivre un message inquiétant. Arrivée, Camille, 25 juin. Avons traversé sérieuses batailles entre troupes chinoises et mahométans révoltés. Et laissé Petro seul à Camille avec voiture avariée. Révolte très grave des mahométans, rend progression difficile. Du Pamir, Art et ses hommes ne peuvent rien faire pour leurs compagnons situés de l'autre côté, si ce n'est vaincre ces montagnes qui les séparent. Et arriveront-ils à le faire? À chaque fois qu'ils interrogent des habitués de la traversée du col de Bourzil, situé à plus de 4200 mètres d'altitude, on leur répond qu'ils ne peuvent qu'échouer. Même les mulets ont du mal à s'accrocher aux flancs de ces montagnes. Alors bon, des voitures, pensez donc. Le 27 juin, Hart, accompagné de son chef mécanicien, part reconnaître les 50 premiers kilomètres. À plusieurs endroits, il constate des pentes supérieures à 40%, des virages abrupts, des ponts fragiles, et ainsi que de nombreux passages moins larges que le châssis de ses voitures. Mais cela ne les effraie pas. Reste non verba, des actes, pas de parole. Telle est la devise Hart. Alors il tranche. Sur les 7 voitures, 2 tenteront l'ascension. D'accord. Mais les tentes, le matériel, les pièces de rechange, eh bien nous les transporterons à l'aide de porteurs et de bêtes de la vallée. Bien. Pour permettre une rotation des hommes, l'expédition, elle, est divisée en 3. Le 2 juillet, un premier groupe part afin de reconnaître la route et aménager les passages les plus délicats. 10 jours plus tard, Hart fait défier l'Himalaya avec 2 autochenilles, 5 mécaniciens, 6 membres de l'expédition, 100 porteurs appelés ici coulisses, des dizaines de chevaux et de mulets. Finalement, la seule solution que ces aventuriers se posent est la suivante, la seule question. Lui et ses hommes reverront-ils un jour Paris ? On se rappelle les chansons, un soir d'hiver, un vrai visage, la scène, un marchand de marron, une chambre au 5e étage, les cafés crème du matin, Montparnasse, le café du Dôme, les faubourgs, le quartier latin, les Tuileries et la place Vendôme. Paris, c'était la gaieté, Paris, c'était la douceur aussi, c'était notre tendresse. Paris, il y a des gamins, des artisans, il y a des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux, on se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Évidemment, il y a par toi des heures un peu difficiles, mais tout s'arrange bien, ma foi, avec Paris, c'est si facile. Pour moi, Paris, c'est les beaux jours, l'air et léger, graveux ou tendres. Pour moi, Paris, c'est mes amours, et mon cœur ne peut se reprendre. Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux, on se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Dans le journal L'Illustration du 26 décembre 1931, les lecteurs découvrent le dernier reportage de Georges Lefebvre. 6 mois après les faits. En tout cas, le journaliste raconte l'assaut des Pamirs. Parti le 12 juillet 1931, les 2 autochenilles Citroën, accompagnées par une partie des aventuriers français, dont leur chef Georges-Marie Hart et des centaines de porteurs et de bêtes, avancent lentement vers le col de Bourzil, l'une des étapes sur la route de l'Himalaya vers la Chine. La route, encaissée, obstruée de blocs qu'une équipe de coulis déblayait tant bien que mal, prit une photographie particulière, stupéfiante pour les montagnards cachemires. Bouche bée, ils regardaient passer ces hommes, les reins pliés sous des charges qu'on n'avait jamais vues dans le pays. Étrange défilé de pièces de rechange, de bandes de roulement et même d'un essieu soulevé sur 4 épaules comme un palanquin. Après 6 jours d'efforts dans les forêts sur les premiers sentiers rocheux, c'est la neige qui s'invite sous les roues des Citroën. Alors, à l'aide de pelles, on creuse des routes éphémères pour assurer un tant soit peu l'adhésion des roues et des chenilles. Autour d'eux, tout semble suspendu. La croûte neigeuse, les torrents, les roches accrochées par on ne sait quelle science à la montagne, que c'est impressionnant et que l'ascension est pénible, lente. Chaque kilomètre est un exploit qui débouche sur une autre difficulté. Mais le 21 juillet, enfin, l'expédition atteint Astor, première étape de repos avant l'ascension finale. Sur place, de nouveau, on dit à ces drôles d'occidentaux qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, qu'il faut être raisonnable et d'ailleurs assez fou pour faire ça. Surtout qu'à 11 km de là, un bout de la piste a été emporté par les eaux. Comment survoler un trou de 1500 mètres à des voitures? Impossible. Ce n'est pas Indiana Jones tout de même, bien que Art n'en est pas loin. Démontez les voitures, ordonne-t-il. Déshabillez-moi. En plus des bagages, du matériel scientifique, du bivouac, ainsi que tout l'attirail des mécanos, les porteurs doivent désormais se substituer aux moteurs. Ces Français sont fous. Pendant des heures, Art fait porter sur le flanc de la montagne les entrailles de ses voitures. Oui, il faut 6 hommes pour hisser le moteur de 200 kilos, 10 pour emporter le châssis. Et ça marche. Grâce à qui? Grâce à tous ces bras trouvés sur place. Grâce à ces hommes dont l'histoire a oublié les noms. Sur les images, comme dans les journaux, ces explorations du temps des colonies laissent rarement de place à ces hommes qu'on appelait alors indigènes, mais sans qui jamais ces expéditions n'auraient pu être possibles. Après 8 heures d'efforts pour passer 1500 mètres de vide, les voitures sont remontées et l'expédition continue. En 6 jours, 50 kilomètres sont parcourus à travers les montagnes. Durant ces journées, le soleil est un adversaire tenace. Le jour, il brûle la peau, et à lourdi l'air, la nuit, on prie qu'il se lève au plus vite pour réchauffer les corps. Les villes de Daskim, Doyan, Hatupir sont l'une après l'autre franchies. Et le 4 août 1931, après 23 jours d'efforts, Art, une partie de l'expédition et les porteurs atteignent Gilgit. Citroën entre alors dans la légende. Georges Lefebvre décrit ainsi cette entrée triomphale. Les habitants n'avaient jamais vu une automobile. Ils ne pouvaient en détacher leurs mains. Entourés d'une foule qu'elles entraînaient dans leur marche ralentie, les deux autochenilles avançaient chargées de grappes humaines. La stupéfaction naissait devant chaque seuil, se transformait en une sorte de ravissement mystique dont le tableau illuminait les fatigues passées. Gilgit n'était pas l'étape finale de cette ascension. Elle va le venir. Quelques jours avant d'atteindre cette cité perchée sur le toit du monde, en effet, une terrible nouvelle vient briser le rêve d'Art de rejoindre Pékin en voiture. C'est l'équipe d'Audouin Dubreuil, celle qui ferme à pied et à cheval l'ascension qui a capté un appel de détresse de Victor Point. Depuis 3 semaines, il n'avait donné aucun signe de vie, et pour cause. Lui et l'ensemble des membres du groupe Chine étaient aux arrêts, immobilisés à Urumqi. Quand Art l'apprend, il sait que sa route de la soie en voiture est terminée. Il a mis 23 jours à monter ici, alors combien lui faudra-t-il de temps pour atteindre la Chine? Et quel sera l'accueil là-bas? Ses compagnons français retenus sont-ils en danger? Alors Art prend la seule décision possible. Il met fin à son rêve. Oui, ici, dans la ville de Gilgit, il lègue une voiture, signe de son exploit. La seconde autochenille, accompagnée de ses mécaniciens, fait marche arrière et rentre à Srinagar, puis en France. Art reste avec le reste du groupe. À pied et à cheval, ils partent vers la Chine afin de sortir point et mettre un point final à l'expédition comme ils le pourront. Mi-septembre, après plus de 75 jours de voyage, Art et le groupe Pamir viennent à bout d'école de l'Himalaya. Ils atteignent enfin les plaines de Chine. Kashgar, tant espéré, est atteinte le 17 septembre. Mais de nouveau, l'administration chinoise stoppe les explorateurs Citroën. Et il faut 8 jours de négociations pour obtenir les passeports et l'autorisation de se rendre à Ascou. Dans cette cité, le 8 octobre 1931, les aventuriers retrouvent enfin une partie de leurs compagnons du groupe Chine. Il y a là l'archéologue Jean-Carl, le cinéaste Georges Specht, le naturaliste André Raymond, l'ingénieur Citroën Charles Brûle, ou bien encore le prêtre jésuite Pierre Teilhard de Chardin, ainsi que les autochenilles, bien sûr. La rencontre est à la hauteur de l'attente. On rit, on s'embrasse. Puis on s'interroge. Où est Victor Point, le chef de l'expédition Chine? Que s'est-il passé depuis le départ, en mars? Eh bien, après des ennuis mécaniques lors des premières journées de route, c'est la politique qui a mis des bâtons dans les roues de l'expédition. Alors qu'ils étaient déjà surveillés par les autorités de Pékin, tout s'est accéléré lorsqu'ils sont entrés dans le Xinjiang. Là, ils se sont trouvés en pleine guerre civile. Face aux événements, le gouverneur de la région leur a interdit de partir, sauf s'ils laissaient leur voiture et la TSF, ce que Victor Point a refusé. Et c'est ainsi que le cortège s'est retrouvé bloqué sans pouvoir communiquer. Par chance, le 25 juillet, il arrive à envoyer un message TSF pour prévenir les autorités françaises. C'est ce même message que capte le groupe Pamir lors de l'ascension vers Gilgit. Depuis, les choses se sont arrangées, ou presque. Le gouverneur a accepté le départ d'une partie de l'expédition afin qu'elle retrouve Arte et les autres Français. Et c'est chose faite à Aksu. La jonction avec Point se déroule le 23 octobre à Urumqi. Sur place, Georges-Marie Hart enregistre ce message pour André Citroën. Mon cher Citroën, vous êtes devant nous. Tout va bien chez vous? Chez nous aussi. Vous me regardez? Je suis en costume Gobi. Car nous allons traverser un désert où l'hiver est le plus rigoureux du monde. Je sors de ma tente. C'est une espèce de yurte mongole, une espèce de case volant que le vent emporte quelquefois. Où nous nous racontons nos histoires, nos espoirs, où nous nous sommes retrempés, chauffés, où chacun peut dire ce qu'il a fait avec orgueil pour notre expédition et ce qu'il fera demain. Tianjin, Kalgan, la Mongolie, le désert de Gobi, le Xinjiang. Et nous continuons sous votre signe, mon cher Citroën. Mais vous êtes si loin de nous, et ces images iront si lentement pour faire le tour de la Terre, que le moment est venu pour nous de vous adresser nos voeux pour 1932, et parmi ceux-ci, celui de nous retrouver ensemble avec vous. Au bout de ce prodigieux voyage que vous animez, à bientôt, mon cher citoyen. Les retrouvailles célébrées, Hart décide de poursuivre l'expédition. Sauf que la route vers Pékin, qui passe par la région de Gobi, des Ordos et de la Mongolie, devait être parcourue en automne et non en plein hiver. Afin de vaincre les températures descendant jusqu'à moins 40 degrés, on couvre les corps comme les capots des automobiles de peaux et de fourrures, d'agneaux, de moutons et même de loups. L'expédition quitte Urumqi fin novembre 1931. Presque un mois après ce nouveau départ, Georges Lefebvre écrit. Nous roulions alors 20 heures sur 24. Peu à peu, la fatigue nous fit sentir plus cruellement les atteintes du froid. Chacun céda à un dangereux engourdissement. L'immobilité à laquelle nous étions condamnés nous glaçait, paralysait notre curiosité, nous plongeait dans une torpeur singulière. Inerte, nous somnolions par intermittence, tandis que les mécaniciens, aux yeux brûlés de sommeil, résistaient encore, dormant à peine 2 heures chaque nuit, accoudés sur leur volant. Un jour, la voiture scientifique crève la glace et plonge dans un bras gelé du fleuve jaune. 13 heures d'effort, dans la boue et l'eau glacée, sont nécessaires pour récupérer le véhicule couvert de vases et de glace. Le voyage dure ainsi 12 semaines. Le 12 février 1932, après 315 jours et plus de 12 000 km parcourus, l'expédition Citroën passe la porte nord de la cité interdite de Pékin. Enfin, ils l'ont fait, certes, mais ils n'ont pas totalement vaincu en voiture la chaîne de l'Himalaya. Cela dit, les Citroën sont montées là où personne n'avait roulé. Elles ont vaincu dunes, neige, torrents et cols. Dès l'annonce de leur arrivée, Paris prépare un retour grandiose à ses aventuriers. « Sauf que le 16 mars 1932, presque un an après le départ de Beyrouth, avant de rejoindre la France, à Hong Kong, Georges-Marie Hart meurt d'une pneumonie. À Paris, André Citroën écrit ce message. Ramenez en France le corps de celui que je pleure avec vous. L'homme est mort, mais l'œuvre reste. André Citroën. Voilà, vous connaissez désormais l'histoire de ces héros de chez Citroën et de son chef, Georges-Marie Hart. Des héros qui ont marqué à jamais les Français grâce aux articles de Lefebvre, dans l'illustration grâce aux films d'André Sauvage, mais aussi aux photos, aux dessins, aux livres et aux confidences de ces 43 hommes qui ont participé à la croisière jaune et qui ont fait rêver tant de personnes qui, comme eux, un jour sont partis découvrir le monde à pied, à cheval ou en voiture. Dimanche, les bras tout farges de fleurs, je suis entrée dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas, et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur. Je suis restée toute seule et j'ai pleuré tout bas en écoutant hurler la plainte des frimas. Sombre dimanche, je mourrai un dimanche où j'aurai trop souffert. Alors tu reviendras, mais je serai parti. Des cierges brûleront comme un ardent espoir. Et pour toi, sains et forts, mes yeux seront ouverts. N'aie pas peur, mon amour, s'ils ne peuvent te voir. Ils te diront que je t'aimais plus que ma vie. N'aie pas peur de mes yeux s'ils ne peuvent te voir. Ils te diront que je t'aimais plus que ma vie. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la croisière jaune avec notre invité Bernard Briset. Bonjour. Bonjour, Fabrice Drouel. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes historien, journaliste, spécialiste de la Chine. Vous êtes l'auteur notamment du livre intitulé « La France en Chine du XVIIe siècle à nos jours » dans lequel vous revenez notamment sur la croisière jaune. Alors, on va aborder donc une partie de l'histoire de cette aventure peu connue et peu... étrange quand même, à la fois étrange, surprenante, celle qui concerne le groupe Chine, dirigé par Victor Point, et les difficultés que cette équipe-là a dû surmonter. Parlez-nous un peu de Victor Point, de son parcours. Quel est donc cet homme ? Victor Point, d'abord, il est très beau. Quel donc ? C'est un Apollon. Et il a cette particularité... qu'il est le fils adoptif de Philippe Berthelot. Philippe Berthelot, vous allez me demander qui c'est. Philippe Berthelot est très connu à l'époque, c'est le secrétaire général du Quai d'Orsay, et il est plus puissant que les ministres, qui se succèdent, qui n'y connaissaient rien. C'est Philippe Berthelot qui a fait donc la politique étrangère de la France pendant des années, des années, des décennies. Et donc, il est le fils adoptif. Il paraît que le mot adoptif est superflu. Bien. Et donc, c'est un officier de marine, capitaine, lieutenant, et il est en Chine, donc envoyé par Citroën, parce que l'idée est assez géniale, c'est de dédoubler l'expédition. Vous avez magnifiquement retracé l'expédition qui part de Beyrouth et qui se perd dans, qui arrive dans les sables du désert du Turkestan chinois, c'est-à-dire l'actuelle province du Xinjiang, tout à fait à l'ouest. Et donc, Citroën envoie des voitures en pièces détachées qui arrivent au port de Tianjin, Et puis, ils partent de Pékin. Alors, l'expédition a eu des problèmes à partir de Beyrouth à cause de la Russie soviétique qui a refusé le passage. Mmh. Mais en Chine, il va y avoir d'autres problèmes. D'abord, Chiang Kai-shek, le dictateur donc de la Chine depuis 1928-27, est très méfiant. Il croit que ce sont des espions. Ah. Bon, bizarre. Un peu comme les soviétiques, j'imagine. C'était oui, ça aussi, oui, les soviétiques. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, il demande que la croisière jaune soit intitulée Expédition sino-française, etc. Et pour ça, il demande qu'il y ait des... J'allais dire des espions, des accompagnateurs chinois, des savants, bien sûr. Mais les savants en question, quand ils arriveront, ils ressemblent plus à des barbouzes qu'à des savants, quoi. Ils sont là, bien sûr, pour surveiller, faire des rapports, etc. Et l'expédition va se trouver entravée par une guerre civile. Alors, qui est contre qui? Parce que là, on l'a dit, guerre civile dans le récit. Je vous laisse le soin de nous rappeler qui se bat contre qui plus précisément. C'est quoi le problème? C'est assez compliqué parce que... Oula, je vais essayer de résumer. Hein. Non, j'aimerais vous dire que ce sont les troupes de Chiang Kai-shek. Mm-hmm. En fait, c'est un maréchal qui s'est intitulé improvisé maréchal, qui dirige tout, et il n'en a rien à faire de Chiang Kai-shek, c'est lui qui dirige tout. Bon, et il se heurte à une insurrection musulmane, car le Xinjiang, comme actuellement, est donc une province musulmane. Et cette guerre civile, ils arrivent en plein dedans, donc manque de chance. D'où les exigences du maréchal, qui s'est institué maréchal, il veut arrêter l'expédition. Et pour ça, on lui a fait, paraît-il, des promesses qu'on lui enverrait des auto-chenilles qui lui serviraient pour ses conquêtes et sa guerre. Et il les a jamais reçues. Alors, il demande donc qu'on les lui envoie. En attendant, il confisque les voitures qui sont là. Et alors, il y a un épisode absolument tordant, c'est que comment prévenir... Donc, à la fois Art, qui est à l'ouest, est perdu dans l'Himalaya, et également tout André Citroën, etc. Donc, ils improvisent une fête de la République, une sorte de 14 juillet, avec le téléscripteur, toc, toc, toc, et pour prévenir. Alors, pour distraire les Chinois, évidemment, qui surveillent attentivement toute cette partie chinoise de la croisière jaune, ils improvisent donc une fête du 14 juillet avec chants, danse. Et le père Teilhard de Chardin met très fort la sono. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Bien, j'essaie. Ah, c'est bien chanté, bravo. Et donc, alors l'autre tape frénétiquement là. Et le message, miracle, parvient à divers endroits, à Shanghai, en mer de Chine et même à Arte et bien sûr à Paris. Et il leur explique la situation, qu'il est prisonnier, qu'il ne peut rien faire. Bon, finalement, ils envoient pas le maréchal, qui s'est institué maréchal, permet à une certaine partie de l'expédition de rejoindre Georges Marie Hart, qui est arrivé à Urumqi. Bien. Et Victor Point n'est pas là. Mais Victor Point, il a eu un rôle considérable quand même, parce que c'était le diplomate. Et c'est lui qui a réussi à amadouer une histoire incroyable. Il traverse Pékin, il part de Tianjin, il traverse Pékin sans pavoiser. Alors les Chinois sont furieux. Non, mais il aurait dû arborer des tableaux chinois, des drapeaux chinois. Bref, tous les prétextes sont bons pour retarder l'expédition. Et Victor Point, vous me demandez de parler de lui, donc il revient en France et il est très amoureux. Il est très amoureux d'une actrice roumaine qui s'appelle Alice Cosea, qui s'est fait une célébrité parce qu'elle a chanté, elle a dansé dans des opéras comiques, ouais. Les seins nus. Et donc, il était très amoureux. Et elle lui a dit, si tu t'en vas, on se quitte. Elle l'a quitté? Et quand il est revenu, il l'avait quitté. Quand alors il est revenu, il a tenté de la reconquérir et ça n'a pas marché. C'était trop tard, etc. Donc après l'avoir, elle avait la folie des grandeurs. Elle avait trouvé un autre amant richissime, ce que n'était pas Victor Point, qui était un simple officier, et sur un yacht. Donc et en sortant donc de la voir, quand elle l'a répudié, dirais-je, il s'est tiré une balle dans la tête avec son arme de service. Et il est mort comme ça. Il est mort comme ça. Bon. Donc c'était le côté dramatique bien sûr de cette histoire. Alors on va avoir un autre écho de ce passage en Chine, après les difficultés administratives, les critiques de la presse, les problèmes mécaniques. C'est finalement une révolte musulmane dans le Xinjiang, comme vous l'expliquez, qui va mettre aux arrêts, si je puis dire, presque définitivement l'expédition du groupe Pamir. On va écouter un témoignage de Gustave Kegres, qui raconte le passage de l'expédition au milieu des combats. Il s'agit d'un extrait de La Fabrique de l'Histoire de France Culture, qui s'était intéressé aussi à ce sujet. C'était le 6 juin 2015, c'était une émission sur les voyages scientifiques. On arrive sur les arrières de l'armée chinoise où il y avait tous les des blessés, les charrettes derrière l'armée avec les femmes, la famille qui suivait l'armée, qui suivait leurs parents soldats. Les Chinois avaient fait des prisonniers musulmans. J'en ai vu un notamment qui arrivait avec un officier chinois qui était attaché, qui avait une blessure sur la poitrine. Et ils l'ont amené là et ils lui ont tranché la tête. Ensuite, il lui a ouvert le ventre, il a arraché le cœur, il est parti avec le cœur et la tête. C'est le lendemain matin, dans la nuit déjà, dans la nuit d'ailleurs, nous sommes rentrés à Amiens, on a campé dans un hangar à Amiens. Et dans la nuit, on a entendu, dans la caserne chinoise, on entendait les hurlements des musulmans qui étaient torturés là. Et le lendemain matin, en partant, à toutes les portes de la ville, sur des poteaux, il y avait les têtes décapitées. Bon, donc ça c'est le côté dramatique, comme quoi c'était pas toujours drôle. Heureusement, Bernard Brisé, il y a eu des moments de grâce, de douceur et de poésie. On va en écouter un. Fin novembre 31, donc après les tribulations de ces Français en Chine, ils reprennent la route vers Pékin dans des conditions difficiles, notamment quand il a fallu traverser la région du désert de Gobi et durant ce nouveau périple. Ils font des rencontres, notamment cette princesse mongole qui parle français. Oui, français. On va l'écouter d'ailleurs ensemble. Il s'agit d'un extrait du film La Croisière Jaune d'André Sauvage. Là encore, il faut tendre un peu l'oreille, moins que tout à l'heure, un peu l'oreille quand même. Ça vaut le détour. Mais asseyez-vous un instant, monsieur. Je vois que vous êtes français. Et j'ai habité Paris, 3 ans. Mais qu'est-ce que c'est cette bande que vous avez avec vous? Mais des explorateurs. Mon domestique vous mettra sur la route. Bon, ça veut pas dire que si vous allez en vacances en Mongolie, vous allez rencontrer votre voisin de palier. Hein. C'était un fabuleux hasard, quand même. Alors, parmi les personnes de l'expédition, il y a Teilhard de Chardin. Alors lui, c'est un paléontologue important. Teilhard de Chardin est un jésuite. Ouais. Et c'est un théologien en même temps, assez mal vu de son ordre, de la Compagnie de Jésus, des jésuites. Et il est à Pékin, à Tianjin et à Pékin. Et donc, on l'invite à participer à la croisière jaune, en tant que paléontologue. C'est-à-dire qu'il se déplace jamais sur son petit marteau, pour dès qu'il voit un caillou, il va le casser pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, et il en tire des tas de conclusions. Et les membres de l'expédition de Chine, ils disent « stop, stop, stop !» Il faisait arrêter la voiture, il allait casser un caillou, puis il revenait, etc. Et il a sympathisé très bien avec certains éléments. Donc, la croisière Chine. Et c'est un homme absolument extraordinaire. Il était très grand et très beau, d'une beauté étonnante. Et c'est un très grand monsieur. Et donc, je tenais à rendre hommage. C'est un défilé de mode, la croisière jaune, avec des beaux. Ah non, mais il y avait également, comme vous l'avez dit, des artistes. Bon, et puis il y avait, alors pardon, il y avait le chef, alors, Art, sacré personnage. On a parlé de Victor Point tout à l'heure, de sa disparition. Art aussi, mais il meurt dans des conditions. Enfin, c'est terrible parce que le récit se termine là-dessus d'ailleurs, sur la mort de Mais Art. Oui, mais alors. Alors André Citroën était ploré. Art est quelqu'un d'exceptionnel. Et alors, dans son histoire, Shanghai à l'époque, ils arrivent à Pékin, mais ensuite ils vont à Shanghai, où ils sont fêtés, et est aux mains de la concession française de Shanghai, est aux mains de la mafia, des truands chinois, donc des gangs. Ouais. Et leur chef est De Yushen, et c'est lui qui dirige tout dans la concession française, le trafic de l'opium, du jeu, de la prostitution. Et il organise un grand déjeuner avec toutes les sommités de Shanghai, certaines, et il leur fait manger des champignons. Et il y en a plusieurs, le consul, le chef militaire, un avocat très célèbre meurt, et également Georges Marie Hart. Donc empoisonné. Empoisonné. Donc il y en a qui suicident par amour et l'autre qui empoisonné. Alors, oui. Alors, c'est une histoire incroyable. Alors, on n'a jamais résolu vraiment cette histoire. Mais Art était déjà malade, éprouvé. Donc, il avait un tempérament, dirais-je, affaibli. Hein. Et donc, il est mort à Hong Kong. Et alors, comme vous l'avez dit, André Citroën a été éploré. Il a demandé qu'on ramène son corps en France, il est allé l'accueillir comme il se doit, à bord du bateau qui le ramenait. Et alors, je commence un peu mon chapitre sur, ce sera la fin si vous voulez, sur la réception absolument extraordinaire qui est à la Sorbonne pour célébrer. Ça tombe bien, vous en parlez pour le film. Déjà oui. Pour le film, c'est ça? Non. Il y a une réception mondaine, dirais-je. Avec qui se tient à la Sorbonne, avec toutes les sommités de l'époque, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, Philippe Berthelot, bien sûr, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, le vice-amiral du Ranvier, Monseigneur de Guébriand, qui est le supérieur des missions étrangères, Monsieur. Oui, ça va jusqu'au président. Est-ce que ça va jusqu'au président de la République? Oui, bien sûr. Bon, allons-y vite parce que. Et deux ans, c'est un président. Il reste quelques secondes, monsieur. Ouais. Et également, sur l'estrade, le maréchal Pétain, le général Weygand, etc. Donc, André Citroën a réussi ce prodige de communication parce que, disons-le, c'est pas sa faute, mais l'explosion est ratée. Les autres chenilles, elles n'ont pas réussi à traverser l'Himalaya. Bon. Mais il a réussi à transformer ça en une réussite extraordinaire, devenue mythique. On en parle encore aujourd'hui. Mais la preuve, c'est que, grâce à vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, la croisière jaune? De quoi est-elle le nom? D'un exploit technique, humain, d'aventurier, d'explorateur, tout. Politique peut-être? Tout. Le but était même culturel, c'était pas politique. Hein. Mais s'il fallait dire quels sont les vrais héros de cette expédition, je serais tenté de dire que ce sont les mécaniciens. Les mécaniciens Citroën, sans eux, ils ont réussi un exploit extraordinaire. C'était très bien dirigé. Il y a eu donc des épisodes absolument étonnants qui en font un véritable roman. Mais moi, ma sympathie va, mon hommage va aux mécaniciens de la croisière jaune. Voilà, merci Bernard Brisset. Je rappelle le titre de votre livre, hein, La France en Chine, du XVIIe siècle à nos jours, la présence politique, technologique, diplomatique de la France en Chine. Mais il y a cet élément-là, voilà, qui en est un élément important, c'est-à-dire la croisière jaune. Merci beaucoup, au revoir. Merci encore. Mais il est traduit en chinois. Nous le lire en français, mais c'est bien qu'il soit traduit en chinois. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, La Croisière Jaune, une émission que vous pourrez écouter en podcast sur France Inter. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires. Bien sûr, merci à Patrick Henry qui était à la technique aujourd'hui.